Sergio Junior, ok, ok. Le terrain sous le talon, la tête mal sous le capot. Les frelons sous le terrain marron. Comme les champions d'Europe, quasiment tous marrons. Élevé au bateau, ton en temps de crise. Et ça t'étonne, ligne jusqu'au téton du bâtiment. 94 guidons, formé au charbon. Du 02149 HLM Charonne. Il y a pas de pipeau chez les boutons crogne. Quand y'a pas de bagnole, rien des crises de nerfs sur les choses bidons. Et le béton vive sur les ondes, à décorcher les ondes. C'est l'Amazonie, nos pions, tonton, ok. Autant le constat constant, ok. Mortellement morbide dans chaque talon. Adé ou pas, sur le sang froid. Il n'y a plus de sable, c'est ok. Ligne spéciale, voyage Paris HLM sur la gorge. Sans faire de blabla sur mon flash. Flashé sur l'autoroute, soigné par les coquets. Fanatique Black Power dans l'eau. Le terrain sur le talon, la tête sur le coudron. Ce récit devient de plus en plus long sur les jalons. Quand tu n'as plus la tête sur tes talons, tu sais. Fanatique Black Power dans l'eau. Le terrain sur le talon, la tête sur le coudron. Ce récit devient de plus en plus long sur les jalons. Quand tu n'as plus la tête sur tes talons. J'ai encore mes talons sur certains terrains troués. Sous la couche d'ozone pour une poignée d'épis. Sous le gazon sans gazer, c'est le cauchemar, ok. La souffrance de nos morts qu'on exhibe. Comme des tubes de l'été, c'est OP. Et le pire, l'empire terrestre est fichu. Depuis les anges déchus, t'as vu comme les feux rouges amortissent avant la chute libre. La noire avec une métisse, pour ceux qui ne croyaient pas, la pluie sans feu, y'a pas de maîtrise. Dans la zutie, déjà dans l'utopie. Fumé jusqu'au bout du feed shit libre. Tu gobes, ok, on gobe, ok. À la gorge, ok. Les charges de poudre, ok, documentées. Où les raclos sont des véritables PC. Aussi liquides qu'à la santé. Sur leurs talons, du pénitencier. La pénitence d'un frelon chéri d'acier. Le terrain sur le talon, la tête sur le coudron. Ce récit devient de plus en plus long sur les jalons. Quand tu n'as plus la tête sur tes talons. Fanatique Black Power dans l'eau. Le terrain sur le talon, la tête sur le coudron. Ce récit devient de plus en plus long sur les jalons. Quand tu n'as plus la tête sur tes talons. Fanatique Black Power dans l'eau. Le terrain sur le talon, la tête sur le coudron. Ce récit devient de plus en plus long sur les jalons. Quand tu n'as plus la tête sur tes talons. 18ème guillage.